Si ce n'est chéri un petit motiba, n'a beaucoup fait pour un colinga. Ma bine, on se la gagne chéri. Ma ouzoligui, c'est boye. Motiba n'a gué mon baby, c'est boye. Oh yeah.